pour celles et ceux qui viennent en replay, enfin en différé, à la fin de ce live, tout à l'heure. On est en live. Bonjour vous tous. Vous êtes sur le premier podcast live du matin, 7h-8h, pour un sujet qui va être encore tech. Comment ça encore? Un nouveau sujet tech, une réflexion sur le futur. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me dire d'où vous venez, qui vous êtes. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Vous pouvez me placer vos commentaires, me dire bonjour. Bonjour la base, pour une nouvelle journée qui commence. Je m'intéresse au futur, bien entendu. Toujours en relation avec ces outils tech du moment. Nos outils, nos téléphones, et qui dit téléphone dit disparition du téléphone. Alors disparition du téléphone, ça fait bizarre. Eh bien bonjour vous tous. N'hésitez pas à inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Vous avez votre mot à dire. Vous pouvez donc me placer vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez à tout instant. Donc ce matin, premier podcast live avec le premier super diffuseur français sur Periscope et Twitter. Bonjour Nicolas. Bonjour Mike, Gant, Chiton, Rocancourt. Je vous incite, je vous propose une réflexion. Alors, je vais vous parler en partie de Ian Pearson, ce futurologue anglais. Je le cite, sinon on a déjà parlé des lunettes de chez Intel, les Vaunt, qui projettent, donc ils ont un dispositif de projection via un laser sur l'œil. Ces lunettes ont été abandonnées faute de projet, de budget, il y a donc quelques mois, mais il n'y a pas si longtemps. De toute façon, c'est le futur. Le futur, c'est toujours la miniaturisation des composants. Bonjour, la base. Dites-moi quel est votre nom, votre ville, plutôt d'où vous venez, qui vous êtes. Donnez-nous des détails. Envisagez un podcast live, 7h-8h chaque matin, pour le mode audio seulement. Ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, c'est le futur, mais pas seulement. C'est peut-être la fin du téléphone, en tout cas, elle est prédite. Alors, vous arrivez à une vitesse, Miguel, Joe. Je vous lis, René, oui. J'ai pas vu tout le monde, Bizol. Chico Delas. Vous qui passez, premier podcast live, TF, Olé. Alors, Alba, Morello, non, Moro, Victor, bonjour, Tony. Kim, je vous propose de m'envoyer votre premier commentaire. La fin du téléphone d'ici 10 ans, ça paraît incroyable. J'en parle parfois, mais j'aime beaucoup puisque nous avons régulièrement des nouveaux objets connectés qui peuvent véritablement nous intéresser. Quand je parle de lunettes, on me dit « bah oui, mais je ne porte pas de lunettes ». Tu n'en portes pas, oui, pour l'instant. J'ai aperçu, oui, vous pouvez m'envoyer des cœurs, des cœurs tradis. On va faire quoi sans téléphone? C'est une question intéressante. On a tellement... merci pour les tradis, merci pour les différents types de cœurs gratuits, traditionnels, avec différents types de couleurs, oui, trois couleurs différentes, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire sans téléphone? Eh bien justement, on va pas, nous n'allons pas arrêter de nous contacter, de communiquer. Eh bien, on remplace les téléphones. Qui dit suppression du téléphone dit remplacement par autre chose, justement. Dit lunettes connectées, lentilles connectées, cerveau connecté. Et puis, on peut reparler de ces lunettes, les Vaunt, V-A-U-N-T, proposées par Intel. Par exemple, Vaunt, V-A-U-N-T, lunettes de chez Intel, ces fabricants donc de processeurs. Pour Snap et tout ça, bah, la même chose, on entre dans un monde de réalité augmentée, dans un monde où on va pouvoir certainement, comme ces lunettes de chez Intel nous l'ont proposé, avoir cette projection dans la rétine, projection d'un laser qui n'est pas là pour vous déranger, mais un laser qui est donc sur la rétine de l'œil et qui est en permanence en train de vous projeter de l'information pour que vous puissiez l'avoir disponible dans votre œil, puisque finalement, tout ce que vous voyez est récupéré par voilà, votre œil voit, vos oreilles entendent. Karim, bonjour. Laurent, bonjour. Vous qui passez, vous pouvez justement Invitez vos abos, vous abonnez, me partager sur Twitter et Facebook. Premier podcast live, chaque matin 7h-8h. La fin du téléphone d'ici 10 ans. Il s'agit d'un sujet qui intéresse les futurologues. Si vous voulez le savoir, nous interagissons en moyenne 50 à 300 fois par jour avec notre smartphone. Mais c'est du n'importe quoi, fin du monde, ils ne savent pas quoi inventer. Vous êtes tellement habitué à votre téléphone que vous n'êtes quand même pas né il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'était pas avec un téléphone. Alors aujourd'hui, les gens se moquent de vous si vous n'avez qu'un simple téléphone et pas un smartphone. Dans 10 ans, vous serez sans doute ridicule si vous possédez un smartphone. Voilà comment ça change très rapidement. Donc nous interagissons en moyenne 50 à 300 fois par jour avec notre smartphone. Et nous le touchons quotidiennement plus de 2600 fois. Ça fait vraiment beaucoup. Moi qui pensais 200 fois par jour pour sortir de notre poche, pour l'utiliser. Ça paraît ridicule quand même si on se place un petit peu dans le futur, cette façon de faire. Sortir son téléphone pour le consulter. Ça commence à être ridicule quand vous avez des objets connectés. Vos oreillettes, votre montre, bientôt vos lunettes. Sortir son téléphone, c'était mieux avant. Moins de divorces. Je ne vois pas le rapport avec les divorces. À la limite, ne vous mariez pas, il n'y aura pas de divorce. Enfin. Alors les divorces en ce moment, c'est pour Fortnite, hein. C'est pas pour les téléphones. Hein. Fortnite, à tous ceux qui, en Angleterre surtout, tous ceux qui jouent à ce jeu, qui n'ont plus le temps de passer du temps en compagnie de leurs proches, c'est différent. Ouais. J'aime bien vos commentaires sont appréciés forcément, vous pouvez les placer, vous pouvez me dire d'où vous venez, qui vous êtes, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Je vous le redis, bien entendu, je suis là pour ça, on est donc sur le premier podcast conversationnel avec le premier super diffuseur français, Periscope Twitter, live. Non, non, soyons sérieux, dites-moi bonjour, bonjour la base, dans 10 ans, on aura certainement des lunettes. Elles sont déjà prévues, on a déjà des lunettes qui sont proposées, on a eu les lunettes de chez Google, là on a eu donc elles existent toujours, elles sont utilisées par des professionnels, beaucoup plus que par un grand public, elles sont sorties. Pas vraiment sorties, elles ont été testées. Vous avez des personnes qui ont subi donc la haine des autres, se sont fait taper dessus. On en a beaucoup parlé. Et puis elles continuent de fonctionner. Les prix ont-ils été déjà donnés? Oui. C'est-à-dire des prix dans 10 ans. À quoi bon les prix? Justement, si on parle de prix 10 ans avant, je suis sûr qu'il s'agit de prix. Peut pas y avoir de prix 10 ans, 2028, des prix. Vous voulez des prix? Déjà que l'iPhone 10, le Note 9, enfin tous ces téléphones haut de gamme sont très chers. Alors les prix d'ici 10 ans, si vous voulez, si vous pouviez acheter vos devices, vos appareils, vos téléphones 10 ans à l'avance, le prix serait donc hors de prix. Bonjour vous, Nas, Angel, vous qui passez vos téléphones, vous avez une extension de vous-même. Votre téléphone, vous pourriez vous le greffer. Vous ne pouvez plus vous en séparer. La rétine augmentée, il ne s'agit pas de rétine augmentée. Il s'agit de projection sur la rétine, un laser qui va se diriger sur votre œil. Et il s'agit d'avoir une réalité augmentée, c'est-à-dire une surcouche. Tout ce que vous pouvez consulter en ce moment dans ces lives avec ces commentaires qui s'affichent, tout ce que vous pouvez avoir déjà testé avec Pokémon Go l'été 2016, tout ce que vous voyez sur Snapchat avec ces masques virtuels, tout ce qui concerne Facebook Live également. Donc cette réalité augmentée est absolument importante. Vous allez pouvoir porter des lunettes pour l'instant. On pourrait penser d'abord à des lunettes avec une projection, donc projection sur la rétine. Et devant vous, vous allez consulter des éléments du contenu. Alors, Ian Pearson, ce futurologue anglais, La projection d'un écran sur la rétine, voilà. La projection d'un écran sur la rétine, il dit, que j'avais envisagé dès 1991, est déjà en train de devenir réalité. Quand tu me dis nouvelle plateforme, peut-être, on a déjà des plateformes, on a déjà des systèmes d'exploitation, Android, iOS. Est-ce que Google et Apple vont laisser leur place? Je ne le pense pas. Alors il dit, oui, la projection d'un écran sur la rétine. Ian Pearson, donc futurologue anglais, un des plus connus, dit qu'il l'avait déjà envisagé en 1991. Elle est déjà en train de devenir réalité. Il faut le savoir, ces lunettes de chez Intel. Ils ont arrêté donc de les développer faute d'investissement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver plus tard. Il s'agit donc de projets qui peuvent être parfois ralentis, terminés, pour être repris par d'autres équipes, d'autres entreprises. On avait donc sur ces lunettes Vaunt de chez Intel, eh bien, un laser rouge, monochrome. Un laser rouge, oui, et puis une proposition donc d'une image monochrome de 400 par 150 pixels. Et puis un laser qui pouvait être projeté en permanence dans le fond de votre œil pour une consultation donc de notification quand vous le souhaitez. Pas un laser qui va vous cacher l'œil, vous déranger, mais une utilisation un peu spéciale, une nouvelle utilisation des lunettes oui, très différentes. Le futur, c'est une projection devant vous d'une réalité augmentée avec un remplacement donc des téléphones, on parle donc de d'écran, donc une proposition de nouvel écran, c'est-à-dire écran de télévision, donc ça veut dire que c'est fini. Tu veux voir à travers, il s'agit donc non pas de devenir Superman, mais de ne plus utiliser les mêmes écrans. On supprime les écrans, tous les écrans, et puis c'est un peu tout ce qui concerne déjà la réalité virtuelle. Et un peu aussi la réalité augmentée, la possibilité d'avoir des écrans de toutes sortes. On n'a plus besoin d'écran physique. C'est-à-dire, dans une réalité virtuelle, vous avez votre cinéma personnel, vos grands écrans. Vous qui passez podcast du matin, le premier podcast live, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Je vous parle du futur qui est déjà présent avec des lunettes connecté avec une réalité augmentée déjà proposée. Pulsar, bonjour. Mika, bonjour. Dites-moi d'où vous venez, ce que vous voulez, de quoi vous voulez parler en ce qui concerne ces lunettes. Nous restons focus. On a un sujet ce matin, comme chaque matin, c'est-à-dire, il s'agit donc, bonne journée, de notre vision. Qu'allons-nous continuer de voir? Qu'est-ce que vous souhaitez regarder? Et puis de toute façon, il s'agit de commercialisation, il s'agit donc d'une utilisation. Alors quand tu me dis est-ce qu'il y aura un impact sur les yeux, justement, pour les lunettes de chez Intel, les Vaunt, on parle d'un laser avec aucun impact sur les yeux. Mais c'est ce qu'on nous dit régulièrement. De toute façon, les téléphones ont-ils un impact sur nos yeux? Nous qui portons de plus en plus des lunettes. Ça tombe bien, on va de plus en plus en porter dans le futur. On va passer par des lunettes. Vous vous dites non, jamais je ne porterai de lunettes. Ça va être beaucoup plus simple de porter des lunettes pour consulter cette réalité augmentée qui va se trouver devant vous, que vous allez utiliser et pour interagir, pour consulter du contenu. On change d'écran. Au final, on est toujours dans la miniaturisation. Tout le monde n'a pas envie de se passer de téléphone. Graphitix, bonjour, et bonjour à celles et ceux qui passent ce matin. C'est un peu comme si tu me disais, il y a 10 ans de ça, tout le monde n'a pas envie donc d'utiliser un téléphone portable, un téléphone intelligent. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet iPhone? C'est quoi ce gadget? Et je ne sais pas si... Ah, je parle trop, je ne te laisse pas assez le temps pour penser. D'accord. On va faire une minute de silence pour tous ceux qui veulent réfléchir. Il y a 10 ans, bonjour Domino. Eh bien, l'iPhone, quand il est sorti, enfin il y a 11 ans, on va dire, c'était 2007, il a été considéré largement comme un gadget et on pensait véritablement que ça représentait pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, comment on va faire maintenant sans téléphone Alors, tout le monde n'a pas envie de se passer de téléphone. Vous pensez véritablement que Google, Apple, Facebook et les autres vont vous poser la question, vous demander ce que vous pensez de tout ça? On vous crée de nouveaux besoins. D'accord. Vous qui passez, vous pouvez toujours inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Vous êtes en face à chaque matin, 7h-8h, du premier live podcast conversationnel avec le premier super diffuseur français, Periscope Twitter Live. Et je vous parle du futur, qui est déjà présent, avec une proposition de lunettes connectées, avec une réalité augmentée, différentes technologies. On a donc de la réalité augmentée, une surcouche. Rappelez-vous Pokémon Go. Retrouver ces masques virtuels dans Snapchat, par exemple. T'as pas envie d'avoir Internet H24 sur des lunettes? Qu'est-ce que tu fais, Graphitix, en ce moment? Tu as Internet H24 sur ton téléphone. Et puis, de plus en plus de personnes ont Internet H24 avec leur montre connectée et bientôt leurs lunettes. Il s'agit des objets connectés qui vont prendre de plus en plus de place. Puis, un téléphone que vous allez certainement arrêter de sortir de votre poche entre 50 et 300 fois par jour. C'est trop. Qu'est-ce qui est trop? Dites-moi. Tu ne l'utilises pas H24. Ben voilà. Oui. Oui, c'est vrai. Se pose la question de l'utilisation H24 s'il s'agit justement des lunettes, des lentilles. Alors, je continue de vous citer Ian Pearson, célèbre futurologue. Tout le monde aura Google Home. En même temps, Google n'est pas leader pour l'instant. Peut-être que Google ne deviendra jamais leader, mais peut-être. C'est Amazon, le leader des enceintes connectées. Maintenant, on parle d'enceintes et d'écrans connectés. Avec chez Amazon, l'Amazon Echo Show. Chez Google, on a maintenant le Google Home Hub. Et puis, il y a aussi Apple, il y a aussi Facebook, il y a aussi Samsung. Qui va devenir le prochain numéro 1? Qui le sait? Donc Ian Pearson, il continue. Plus de smartphones, de montres connectées ou de tablettes. Que ce soit via des lunettes ou via des lentilles de contact spéciales, l'œil va devenir notre écran. Ça, c'est bon, ça. L'œil va devenir notre écran. La puissance du laser est si faible qu'elle ne présente aucun danger pour la santé. Et les possibilités offertes par cette technologie sont extraordinairement vastes. Pour Ian Pearson, l'élément central sera la connexion des lunettes ou de la lentille de contact à Internet et à des serveurs extrêmement puissants dans le cloud. Pearson, c'est Pearson. Et Ian, c'est IAN. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un ordinateur ou un téléphone avec vous, car les calculs informatiques seront réalisés à distance. Connecté à Internet de manière ultra rapide, l'homme se verra offrir des possibilités incroyables. Regardez la route ou autre chose, il faudra choisir. Voiture autonome, c'est absolument imbécile ce que font ces humains chaque jour. Si vous n'êtes pas habitué à être dans le trafic chaque matin, il y a une routine hein, quand même. Hein. Il y a quand même des personnes habituées. Hein. Eh bien, prenez la voiture ou embarquez dans une voiture pour voir ce qui se passe. On a besoin toujours d'une voiture, bien entendu. Mais est-ce qu'il est nécessaire de tenir un volant, de s'énerver, de conduire? Alors que bientôt, de plus en plus, on pourra faire autre que conduire, que de s'énerver. On pourra peut-être donc s'amuser, lire, s'instruire, commencer à travailler dans sa voiture. Ou plutôt ne plus jamais prendre de voiture pour travailler de chez soi. Donc, ce qui est assez intéressant, on arrive avec la 5G. La 5G, elle est déjà testée. Et on est sur une proposition d'hébergement à distance avec, comme le dit Ian Pearson, des calculs informatiques réalisés à distance. Et tout ce qui concerne le cloud est absolument important quand il est question d'objets connectés. tout ce qui va nous permettre de continuer à utiliser nos outils du quotidien. Et quand vous utilisez déjà un téléphone, peut-être que vous êtes en relation, sans le savoir, avec le cloud, comme ce cloud que j'utilise actuellement pour uploader ce contenu, qui sera disponible juste à la fin de ce live. Le prix des voitures, peu peuvent s'en payer. Oui. Eh bien, la tech, les nouveautés sont chères. Ensuite, il y a une démocratisation. Ensuite, voiture autonome, peut-être aussi en location, ou en tout cas, qui dit voiture autonome dit aussi voiture à disposition, comme des voitures que l'on peut partager. Bonjour vous tous, podcast du matin, 7h-8h. Premier podcast live avec le premier super diffuseur français, Periscope Twitter. Je vous parle du futur, je vous parle du cloud, des lunettes connectées, des lentilles connectées, du futur, de Yann Pearson qui prédit le futur. Alors, au niveau des exemples, Vendix, merci pour les cœurs tradis, merci pour les super. Au niveau du futur, par exemple, vous allez pouvoir projeter devant vous un écran virtuel. Donc, on parle de l'écran virtuel de votre smartphone, par exemple, on part du smartphone. Pour comprendre ce que l'on va vivre dans le futur, il faut bien partir de l'existant. Donc, vous allez pouvoir utiliser, donc projeter un écran virtuel devant vous pour consulter vos messages, par exemple. Cerveau connecté? Oui, peut-être après. Ouais. D'abord, les écrans qui se transforment en lunettes. On est aussi parti pour une projection 2, 3, 1. Lunettes connectées de chez Intel, les Vaunt, Vaunt, qui ne sont jamais sorties, faute de budget. C'est une déclaration qu'ils ont faite. J'étais assez content de vous en parler il y a quelques mois de ces Vaunt. Mais bon, dommage. Il fallait la personne. Il y en avait une démo sur YouTube. La personne qui devait donc les tester, on devait lui poser les lunettes pour bien les ajuster pour que ce rayon, le rayon qui se projette sur l'œil, qui se dirige sur l'œil, soit bien dans la bonne direction, au millimètre près. Le général, bonjour. Et évidemment, quand on parle de rayon, quand on pense à ce laser projeté sur la rétine de l'œil, c'est le début. Ça va être le début de tout ça. Après, on pourrait penser par la suite à une connexion de l'intérieur. Quand on parle de cerveau connecté, on parle de puces, on parle de tout ce qu'on va pouvoir intégrer dans l'être humain, ça paraît barbare. J'ai pas envie de faire partie des premiers cobayes et de me faire intégrer une puce. Mais si on pouvait, non pas projeter sur la rétine de l'œil, mais ensuite câbler de l'intérieur au niveau de l'œil, pouvons-nous dire que le smartphone a été un moyen de contrôle? En tout cas, une connexion de l'intérieur, non pas forcément, donc une carte graphique, une carte, n'importe quelle carte, une petite puce dans la tête, ça fait peur. Mais un câblage. Non pas un câblage dans les neurones, ça fait encore peur. Mais un petit câble, une connexion derrière l'œil, une connexion supplémentaire, c'est-à-dire la projection dans l'œil. Et puis pour avoir un écran permanent, la suite des téléphones, la projection du téléphone, projeter devant vous l'écran virtuel de votre smartphone. Ça, c'est clair. Merci pour les tradis, vous qui passez. Podcast du matin, premier podcast live, 7h-8h, du lundi au vendredi. Vos commentaires sont importants. Vous pouvez me dire d'où vous venez, qui vous êtes. Vous pouvez me faire un petit bonjour. Bonjour la base. Eh bien, c'est un sujet très tech et ça vous paraît vraiment incroyable. C'est de vous dire tout ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Déficient visuel? Oui, il y a pas mal d'aveugles qui désormais, de plus en plus, vont pouvoir c'est un changement de paradigme, bien sûr. Pas mal d'aveugles qui vont pouvoir récupérer ou acquérir une sorte de nouvelle vision. De première ou nouvelle vision. Bonjour général, tout va bien? Vous qui passez, bonjour Biboucha. Oui, ce matin, c'est ça, c'est bonjour la base. Puisque c'est le podcast du matin, 7h-8h, vous vous réveillez peut-être, vous êtes peut-être prêt à partir au travail, en tout cas vous êtes au taquet pour une nouvelle journée qui commence. J'en étais à parler d'une projection. On n'est pas dans un film de science-fiction, hein. On n'est pas perché, on n'est pas là à s'inventer des vies. On est sur des propositions de lunettes connectées en ce moment. Ça sert pour les handicaps, ouais, pour le handicap, pour les handicapés. Ouais. On n'est pas là parce qu'on, évidemment, on est plongé depuis 10 ans et donc ça a bien pris depuis 10 ans. On a mis en avant le smartphone. 10 ans, ça passe très vite. Et ces 10 dernières années sont passées tellement vite. Mais que dire des 10 prochaines? On nous parle d'un progrès sans précédent, beaucoup plus important que ces 10 dernières années. Et ça, on peut le comprendre. On le voit tous. Ça va de plus en plus vite. Tout le monde peut comprendre. Si vous dites ça à quelqu'un, vous dites dans les 10 prochaines années vont être beaucoup plus importantes. Ça se comprend. C'est logique. Avec tout ce qu'on voit chaque mois, chaque semaine, chaque produit, chaque année. Vous qui passez, merci pour les tradis. N'hésitez pas à inviter vos abos, vous abonner, partager sur Twitter et Facebook. Vous êtes en face du premier podcast live conversationnel avec le premier super diffuseur français sur Periscope et Twitter. Donc, ça va très vite. Et on est tellement donc dans le téléphone, on aime tellement bien notre smartphone que quand on vous dit qu'on va vous enlever, parce que vous pensez, on va m'enlever mon précieux, la fin du téléphone, non, c'est pas possible, je peux pas me séparer de mon précieux, on va vous le retirer. Il ne s'agit pas de vous le retirer. L'entreprise Ocumetics, c'est un projet d'une lentille bionique, correction visuelle. Chez Google, ils ont déjà dans les cartons, en tant que brevet, une lentille qui serait là pour aider les personnes qui sont diabétiques pour savoir précisément quelle dose donc d'insuline leur délivrer et grâce à cette lentille. Il est souvent question de lentilles on en parle avec des brevets déposés par les plus grands du secteur, pas simplement Google. Une lentille qui pourrait donc enregistrer de la vidéo, faire de la photo, diriger, enfin recharger grâce au clignement de l'œil. Tout ceci est assez intéressant. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas donc obligés de nous pucer le cerveau, d'utiliser une lentille connectée, d'utiliser des lunettes pour l'instant, mais on a notre téléphone. Oui, je vous le disais, il y a 10 ans, l'iPhone. Pas forcément bien considéré. Depuis, donc, on a la copie d'iOS Android, pas mal de téléphones intéressants. Et puis, si on vous dit la fin du téléphone, non, non, tu te moques de nous, là. La première fois que j'ai vu ce titre, je me suis dit, non, mais ils y vont fort. La fin du téléphone dans 10 ans? C'est quoi ce charabia? C'est quoi cette histoire? On va nous enlever notre téléphone? Non, non, non, non, non, non, non. Personne ne viendra m'enlever mon téléphone. Puis après, vous vous dites. Ah, mais si c'est pour tout le monde pareil, comment je vais faire moi avec mon téléphone si je suis tout seul? Eh bien, justement, ce futurologue Ian Pearson, un des plus connus, il nous dit, j'aime bien ce qu'il nous dit, aujourd'hui les gens se moquent de vous si vous n'avez qu'un simple téléphone et pas un smartphone. Dans 10 ans, vous serez sans doute ridicule si vous possédez un smartphone. Les époques se succèdent et puis. On change d'attitude, on évolue. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec un téléphone qui prend de la place dans votre poche, que vous sortez 50 à 300 fois par jour? On parle d'un téléphone que nous touchons tous les jours 2600 fois. Mais c'est quoi cette histoire? Quand vous avez déjà testé, par exemple, les lunettes de chez Snapchat, les Snapchat Glasses, ou plutôt peut-être les Angles. C'est les lunettes aussi qui font lunettes de soleil et qui vous permettent d'écouter de la musique grâce aux branches qui se positionnent sur sur votre tête et avec une vibration qui vous permet d'écouter du son sans porter d'oreillette. Des lunettes qui vous permettent donc de passer et de recevoir des appels. Avec un téléphone qui reste dans votre poche, vous vous dites, mais cela sert à quoi de sortir sans arrêt son téléphone? Puisque, il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé des Pixel Buds, ces oreillettes connectées, qui désormais peuvent être utilisées justement avec pas mal de téléphones de chez Android, avec le Google Assistant. Ce qui nous intéresse, c'est d'être connecté. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément de sortir notre téléphone des centaines de fois par jour. Oui, smartphone, défaut majeur, l'autonomie, le poids. Mais justement, il y a un problème d'autonomie, il y a un problème de puissance qui est souvent résolu, c'est plutôt un problème de batterie. Et puis, il y a un problème de connexion. La 5G va pouvoir résoudre beaucoup de choses. On parle d'une multiplication parfois par 100, par 200, j'ai même entendu au début par 1000. On réfléchit avec ce que l'on a sous les yeux, on ne sait pas forcément tout ce qui sort, on ne sait pas forcément ce qui va sortir l'année prochaine, et puis on n'a pas encore testé la 5G. Quelque part, oui, sortir son téléphone des centaines de fois par jour. Mais quel est l'intérêt quand vous connaissez en partie le futur? Pour le connaître parce que vous le construisez, parce que vous avez déjà fait des propositions, parce que peut-être des fois vous avez des projets qui se terminent, mais donc des équipes qui ont travaillé sur une technologie qui va évoluer, qui va être reprise, c'est-à-dire, projection donc. Votre téléphone, c'est un écran. Je continue, vous pouvez donc inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. On est sur le premier podcast live, 7h-8h chaque matin, lundi ou vendredi, avec le premier super diffuseur français, Periscope Twitter, Sacré Vénard. C'est bonjour la base, aujourd'hui, comme chaque matin, 7h-8h. Bonjour la base. Alors, justement, je vous parle de téléphone, la fin du téléphone, votre précieux. Si tout le monde perd son téléphone, vous aussi. Ce ne sera pas un grand mal puisque vous allez avoir toujours cette possibilité de communiquer, d'envoyer donc des messages, d'en recevoir, de téléphoner, plutôt d'envoyer des messages audio, ce que vous faites régulièrement. Les plus jeunes le font beaucoup plus, c'est-à-dire ils reçoivent, ils passent des appels que nenni, ils envoient des messages audio avec des applications de chat comme Messenger, comme Snapchat. N'hésitez pas, vous qui passez, placez-moi vos commentaires, dites-moi qui vous êtes, dites-moi si vous êtes là, vous êtes présent. Je fais l'appel, en tout cas, vous pouvez me dire bonjour, bonjour la base. Alors, oui, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Je ne reste pas forcément avec ce téléphone que j'ai en face de moi. Je l'aime bien, ce téléphone. J'ai un écran. Mais si vous. Pour comparer tout ça, on pourrait peut-être. Partir dans le passé pour voir ce qui se passait, c'est-à-dire avec ces écrans énormes, non pas ces écrans plats, mais ces écrans très très lourds qui avaient donc une profondeur pas possible. Vous vous rendez compte? Est-ce que à l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, on va dire, il y a 20 ans, la commercialisation des lentilles bioniques médicales, je peux pas te dire au niveau lentilles moteur, bonjour. En ce qui concerne les lentilles, personnellement, j'en suis à vous proposer ces brevets qui ont été déposés. Avrora, bonjour. Il y a une vingtaine d'années, donc, on pense à des écrans énormes. Maintenant, on ne les jette plus dans la rue, ils n'existent presque plus. Maintenant, ce que vous voyez dans la rue, ce sont plutôt des écrans plats qui ne marchent plus. Enfin, des écrans énormes, vous vous rendez compte. On n'avait pas forcément à l'époque aussi autant que ça des ordinateurs portables, presque pas avant les ordinateurs portables. On faisait comment pour se déplacer avec son ordinateur? On n'avait pas de téléphone? On avait quoi comme écran? Eh bien, il fallait prendre la voiture, certainement, en tout cas une grande valise, pour porter son écran. C'est-à-dire, vous avez besoin de votre écran pour continuer de travailler sur un projet important, vous êtes ingénieur, vous êtes développeur, vous êtes un spécialiste. Des nouvelles technologies. Maintenant, on a un téléphone. Notre téléphone, il entre dans votre poche. Mais bon, ça ne suffit pas. Un téléphone qui va dans la poche, un téléphone qui doit être sorti régulièrement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous qui passez, laissez-moi vos commentaires, la fin du téléphone d'ici 10 ans. Ça nous laisse peu de temps, en définitive, pour apprécier les nouveaux modèles. Tu utilises plus ton portable? Pour du montage vidéo. Intéressant, mentor. Pourquoi tu nous dis ça, Domino? Cette évolution aurait dû mieux servir. C'est-à-dire, si elle n'a pas servi comme tu le pensais, elle pourrait peut-être servir prochainement. Montage vidéo sur les téléphones et les tablettes, c'est absolument très facile d'accès, très intéressant, puisque ce qui se passe, c'est que on est très souvent en train de prendre des photos et des vidéos avec son téléphone, ou sa tablette, mais beaucoup plus avec son téléphone, et que nous avons besoin par la suite, si nous continuons ou si nous commençons à faire du montage sur un ordinateur, on a besoin donc de sortir ces vidéos et de les intégrer sur son ordinateur. Autant tout faire sur un téléphone ou une tablette. À l'époque, de votre caméscope, par exemple, vous deviez donc exporter tout ça sur un ordinateur. Perte de temps. Perte de temps. On n'a plus en besoin, on n'a plus envie, on n'a plus le temps. On fait tout directement sur le téléphone. Vous pouvez me partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Merci de nous retrouver pour ce premier podcast live, le premier podcast conversationnel avec le premier super diffuseur français Periscope Twitter chaque matin 7h-8h, du lundi au vendredi. Mais je vous accueille. Vous pouvez me faire un très grand bonjour la base. Bonjour la base, chaque matin, pour un sujet tech. Donc si pour les tradis, vous avez donc des cœurs qui s'affichent, des cœurs verts, et vous pouvez également passer d'un cœur normal à un cœur super. Et si vous appuyez sur le bouton qui se trouve en bas à gauche, votre petit bouton en bas à droite, vous allez transformer ce cœur super en super heart. Merci général. Et si vous n'avez pas encore récupéré de super cœur, différents types de pailles vont s'afficher sur l'écran et vous allez pouvoir prendre peut-être le premier à 1050 étoiles pour 1 € ou le plus cher des packs à 100 €, c'est vous qui voyez, pour récupérer un montant d'étoiles. Et avec un montant d'étoiles, vous allez pouvoir envoyer différents types de super cœur. Merci Domino. Il s'agit donc de la monétisation, celle qui s'est installée depuis le 21 juin 2017, qui est arrivée en France et en Europe le 1er mars dernier. Et donc, pour ce premier podcast live, vous êtes en face, à l'écoute du premier super diffuseur français sur Periscope Twitter live. Bonjour. Merci pour le super. Donc, dans 10 ans, vous serez sans doute ridicule si vous possédez un smartphone. Qu'on va garder nos téléphones. On parle de smartphone, donc il s'agit de téléphones intelligents pour les différencier de ces téléphones qui sont toujours vendus, des téléphones qui n'ont pas la capacité d'accueillir toutes ces applications que vous chérissez tant. On a toujours en vente en France, mais pas simplement qu'en France, des téléphones qui ne sont pas intelligents. Donc on est face à des vrais téléphones, quoi, des téléphones. Pour ça qu'on différencie smartphone. Smartphone, c'est votre téléphone Android, votre téléphone donc, qui fonctionne avec iOS, votre iPhone, qui vous permet d'utiliser ces applications, ce Periscope, ce Twitter. Alors, vous qui me recevez ce matin, on est sur une projection prochaine de cet écran que vous avez donc sur votre téléphone. Eh bien, cet écran que vous avez en face de vous, eh bien, il va se retrouver toujours en face de vous, donc pas de souci à se faire. Vous utilisez donc votre téléphone, et puis par la suite, vous n'allez plus l'utiliser. Mais rassurez-vous, vous allez toujours être en communication avec vos proches, sur vos réseaux sociaux, avec vos contacts, vos abonnés, qui vont pouvoir vous retrouver, quoi qu'il arrive. Nous serons toujours en communication avec de nouveaux écrans. Donc des écrans qui pourront se retrouver face à nous, une réalité augmentée, une réalité que nous modifions, une surcouche, donc une réalité augmentée, des nouveaux éléments qui s'affichent devant nos yeux et qui vont nous permettre d'interagir. Vous voyez un petit peu ce qui se passe chez Microsoft avec leur technologie HoloLens. Vous avez donc des lunettes de réalité augmentée, pour l'instant disponibles pour les professionnels, qui leur permettent d'afficher donc devant leurs yeux cette réalité augmentée. Ils peuvent interagir grâce à leurs mains et à leurs doigts, comme avec la souris, dans l'espace, pour déplacer, toucher des éléments qui n'existent pas. Donc la souris, ça va être terminé, l'écran, ça va être terminé. Il faut penser à l'arrivée de cet écran chez Apple. Il faut penser à la rencontre entre les équipes de chez Apple et Bill Gates. L'écran va disparaître absolument. Quand vous entrez rapidement dans une réalité virtuelle en ce moment, vous n'avez plus besoin d'écran chez vous. L'impression d'être face à un écran de 10 mètres grâce à une lentille. Oui. Bonjour vous tous, merci Yorena, bonjour Turquie, bonjour les chiffres, bonjour Luce. Quand vous êtes dans une réalité virtuelle, on est sur, avec cette année, depuis le mois de mai 2018, avec la démocratisation donc de la réalité virtuelle. Donc c'est la proposition de ce casque de réalité virtuelle, l'Oculus Go. Et avec l'Oculus Go, si vous l'avez avec vous, si vous avez déjà testé différents types de casques de réalité virtuelle, vous verrez que vous avez des applications, un monde en 360. Et puis, cette possibilité d'avoir différentes visions, un téléviseur assez grand, une salle de cinéma. Vous vous rendez compte qu'avec ce casque, qui va de plus en plus se miniaturiser, vous allez pouvoir tout avoir. C'est-à-dire plus besoin d'avoir un écran physique chez soi. Un écran d'ordinateur, un écran de télé, un projecteur. Vous avez le maximum. L'écran de cinéma chez soi. Le rêve pour certains, pas forcément, plus forcément besoin d'avoir une salle spéciale comme ces stars de cinéma, ces personnes qui en ont le pouvoir, enfin, qui ont le budget pour ça. Tout devient accessible. Alors, pour l'instant, on est au début de tout ça, on a une technologie qui débute. Mais c'est déjà vraiment, véritablement assez percutant, quoi. C'est absolument sympathique, hein, même beaucoup plus que ça. Donc je vous parle là de réalité virtuelle, mais on est plus sur une réalité augmentée qui a été choisie par Tim Cook, le patron d'Apple, qui va nous proposer certainement, apparemment d'ici 2020, leur nouvelle lunette connectée avec une réalité augmentée. C'est prévu pour 2020 chez Apple, et ça va arriver vite. Villardo, bonjour. Eduardo, bonjour. Vous qui passez, vous pouvez donc vous projeter dans le futur, vous pouvez me projeter vos commentaires, me dire d'où vous venez. Invitez vos abos, partagez sur Twitter et Facebook. Vous êtes en face du premier podcast live avec le premier super diffuseur français, Periscope Twitter. Eh bien voilà. Qui dit réalité virtuelle dit aussi réalité augmentée. Ces deux réalités évoluent en parallèle. Tu aimes ton vidéoprojecteur pour regarder les vidéos avec ton fils? Bien, Motorhead, je le comprends. Peut-être que tu vas garder ton vidéoprojecteur. Mais peut-être que tu pourrais, avec ton fils, te plonger dans cette nouvelle réalité, puisque tu as déjà, avec ces casques virtuels, la possibilité d'être dans une nouvelle pièce avec quelqu'un qui est plongé avec toi dans cette réalité. Donc vous avez deux casques de réalité virtuelle, bonjour, et vous êtes dans la même pièce virtuelle pour regarder dans cette salle de cinéma un film. Donc on peut partager. On peut, avec l'Oculus Go de Facebook, entrer dans les rooms Oculus pour consulter des documents, des films, des émissions. Et puis également, en ce moment, on peut le faire depuis donc l'arrivée de l'Oculus Rift. Maintenant, c'est la démocratisation de la VR, de la réalité virtuelle avec l'Oculus Go cette année. On peut jouer à des jeux. On peut jouer avec des jeux avec des personnes que l'on ne connaît pas. Des jeux assez importants, hein. Des jeux développés pour la réalité virtuelle, des jeux puissants, des jeux d'aventure. C'est une différence assez importante. On n'est plus en 2D, on est en 3D, on est immergé, on est à l'intérieur. Je ne vous demande pas dans le futur de vous plonger la tête dans votre téléphone. On parle beaucoup plus ce matin de réalité augmentée avec, non pas donc ces lunettes, mais peut-être ces lentilles ou plutôt nos yeux, peut-être pas nos cerveaux connectés, mais une liaison. Merci pour les partages. Bonjour vous tous. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Nous interagissons en moyenne 50 à 300 fois par jour avec notre smartphone. Et nous le touchons quotidiennement, donc tous les jours, plus de 2600 fois. Cette addiction aux écrans va évoluer. On est addict à son écran. Cette addiction aux écrans pourrait même disparaître. Je vous parle d'une proposition de Jan Pearson, futurologue spécialisé dans les nouvelles technologies. Selon lui, il n'est pas le seul à le penser. Notre téléphone intelligent n'a en réalité plus que quelques années à vivre. Je vous le répète, c'est important. Aujourd'hui, dit-il, la phrase est très sympathique, les gens se moquent de vous si vous n'avez qu'un simple téléphone et pas un smartphone. Mais dans 10 ans, vous serez sans doute ridicule si vous possédez un smartphone. Il s'agit de se pencher sur cette évolution, la miniaturisation des composants et tout ce qui concerne nos écrans. On vit avec des écrans, nos aïeuls, certains de nos aïeuls n'ont pas vécu avec des écrans. Donc vous avez certaines personnes qui sont un peu plus âgées que vous, qui ont vu l'arrivée de la télévision, l'arrivée du cinéma, l'arrivée d'Internet, enfin plutôt des ordinateurs personnels. Mais n'a pas toujours été comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un temps, on n'avait pas d'écran, et puis il y aura un temps, on n'aura plus d'écran. Et puis quand vous voyez cette miniaturisation, non seulement des composants, mais des écrans, cela nous dit beaucoup de choses sur notre futur. Donc nous ne sommes pas perchés, je le précise pour celles et ceux qui passent rapidement ou qui ne comprennent pas ce qui se passe, justement, il s'agit du futur, et puis pour bien envisager le futur, il faut comprendre ce qui s'est passé, donc notre passé. On est dans un chemin, dans une direction, et puis cette direction nous propose différents écrans. On ne va pas rester avec ces écrans. Je pense à ces voitures autonomes. Je vous fais une comparaison avec les voitures. Les voitures autonomes sont des robots. Vous allez pouvoir entrer prochainement dans un robot pour vous faire conduire, pour partir dans une direction que vous avez programmée. Je pense à ces voitures, à ces personnes qui aujourd'hui, chaque matin, chaque soir, avec des horaires assez réguliers, donc le trafic, les problèmes de circulation, se fatiguent, s'énervent à conduire donc cette voiture, une perte de temps. Ta grand-mère, elle fête ses 100 ans, elle adore voir les nouvelles tech, ouais. Et je pense également à ces téléphones, donc ça paraît aussi ridicule, que vous sortez de votre poche régulièrement, parce que votre téléphone vibre, parce que vous recevez une notification. Et puis ces personnes qui ont déjà des lunettes connectées, qui ont déjà des montres connectées, et qui n'ont plus besoin de sortir leur téléphone. Vous voyez, le futur est déjà là. C'est-à-dire, parfois on parle de futur, je porte des lunettes de Snapchat, et puis vous me dites, bah voilà, t'es dans le futur, oui, mais on est aussi dans le présent. C'est-à-dire, ces outils existent déjà. Et chez Snap, ils vont continuer de proposer leurs lunettes, puisqu'ils vont par la suite également sans doute proposer une reconnaissance d'objet avec ce brevet qui a déjà été déposé. Qui dit nouveau support, qui dit lunettes, dit aussi donc réalité augmentée. Et je vous en ai parlé la semaine passée avec ces nouveaux téléphones, les Pixel 3, avec ce que font ces nouveaux téléphones de chez Google, puisque dans ce domaine, en ce qui concerne la réalité augmentée, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas parler de Google. Donc en ce qui concerne ces nouveaux téléphones de chez Google, ils nous proposent le futur, mais ces téléphones existent. Où est le futur? Il est déjà là. C'est-à-dire une réalité augmentée assez importante. La vie, c'est pas ça. Ah si, c'est ça la vie. Le futur, c'est maintenant, avec la base. Bonjour, la base. Alors quand tu me dis la vie c'est pas ça, si la vie c'est ça pour la moitié de la population mondiale. Enfin, on a 4 milliards à peu près de personnes qui ont Internet. 50% donc de ceux qui vivent sur cette Terre. Évidemment, on peut aussi parler de ceux qui n'ont pas Internet. Et puis également pour ceux qui ont Internet, vous en avez qui ont Internet à partir d'un ordinateur. Pas pour toi. Bah si, tu fais partie de ce monde, Domino. Tu es aussi dans ce courant transhumaniste. Tu es connecté. Tu es augmenté. Tu reçois de l'information. Tu es présent parmi nous. Sympathique est passé, bonjour. Général de retour. Vous qui passez, vous pouvez toujours inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Voilà un super cœur du plus bel effet. Ça scintille, ça pétille. Ça transpire la sympathie. Merci. Donc, premier podcast live avec le premier super diffuseur français. Chaque matin, 7h-8h. Sacré vénard, vous en prenez une belle tranche. Une belle tranche de tech. une belle tranche de futur dans vos mirettes. C'est-à-dire sur vos yeux, dans vos yeux, aussi dans vos oreilles. Surtout dans vos oreilles avec le mode audio seulement, traduit de l'anglais, mode audio only. Je vous le répète, la phrase est sympathique, la phrase est importante. Aujourd'hui, les gens se moquent de vous si vous n'avez qu'un simple téléphone. Peut-être pas tout le monde, mais on peut peut-être un petit peu ricaner. Tranche de tech, ouais. Aujourd'hui, les gens se moquent de vous si vous n'avez qu'un simple téléphone et pas un smartphone. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Qu'est-ce que c'est que ce téléphone à clapet avec ses grosses touches? Quoi? T'es pris pour une taupe ou quoi? Tu vois plus rien? Bah oui, mais je suis vieux. Bah oui. C'est quoi ces touches? On est tous le vieux de quelqu'un, de toute façon. Évidemment, vous avez encore des téléphones qui sont vendus en France, hein. Alors, tout le monde ne le sait pas. Oui, ils vendent des téléphones à clapet ou sans clapet, avec des petites, des grandes touches qui font simplement téléphone. Pour téléphoner à quelqu'un. Bah oui, j'ai encore envie de communiquer, moi. Mais nous aussi, on a un smartphone. Bah oui, mais on fait ça aussi. Sauf que vous, les plus jeunes, les millénials, vous envoyez des messages audio. Ouais, mais c'est le côté on se prend pour quelqu'un. Bah oui, le côté réalité, on a tous envie d'être connu pour être connu. Non, pas forcément pour être connu. Mais c'est ça aussi maintenant. Nous faisons ça, nous communiquons par message interposé. Alaska pour chercher de l'or, la chouette d'or. Vous avez de l'or sous vos pieds. Hein. Tout le monde peut partir en recherche. Oui. C'est-à-dire ces téléphones. Oui, mais dans 10 ans, vous serez sans doute ridicule si vous possédez un smartphone. Ah oui, en même temps, on n'a pas forcément envie de faire comme tout le monde. Oui, mais on n'est pas parti simplement dans cette réflexion. C'est-à-dire, on peut aussi continuer de vivre à l'ancienne, hein, mais bon, on peut également utiliser ces technologies. J'aime beaucoup mes lunettes connectées. Je crois que ceux qui ont donc des montres connectées aussi apprécient beaucoup leurs montres. On aime aussi pas mal souvent recevoir des notifications quand on sait bien les trier pour ne pas forcément sortir son téléphone sans arrêt, quoi. Je viens du futur, mais bien sûr. Bonjour jeune, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, invitez vos abos, vous pouvez vous abonner. J'en vois encore quelques-uns qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner puisque on ne sait jamais, hein. C'est du live streaming, c'est une révolution. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, ça peut tomber à tout instant, on ne sait pas, donc on ne prédit pas forcément exactement bien le futur. Et pour le prédire, il faut le construire. Et pour le construire, il faut évidemment faire quelque chose dans ce sens. Vous avez donc différentes lunettes connectées qui ont vu le jour, les lunettes de chez Intel. Ah, j'étais très content quand je vous ai parlé des lunettes de chez Intel. Puis vous en avez certains qui ont dû me regarder avec des yeux grands, des gros yeux, quoi. Un laser qui se projette dans votre rétine, enfin sur votre rétine. Un laser en permanence qui ne vous dérange pas. Un laser rouge, une seule couleur, qui vous propose des notifications avec du texte qui défile. C'est actuel, hein. Ce ne sont pas forcément des lunettes qui vont sortir pour l'instant. Vous avez donc une équipe qui a arrêté de développer ces lunettes. On est quand même chez Intel. Hein. Intel, vous connaissez Intel. Le géant donc des puces. Des puces qui vous sont proposées un petit peu partout. Le moteur interne de votre téléphone, hein, de votre ordinateur, on peut dire ça. Intel, aujourd'hui il y a école. Oui, mais tous les jours il y a école. Du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, retrouvez-moi, abonnez-vous. Pour toi, c'est l'abandon de ta montre, problème de batterie. La batterie ne suit pas. Oui, mais la batterie, c'est un petit peu comme tout ce qui concerne notre téléphone. On parle de batterie, mais oui, mais on utilise un téléphone, on laisse télécharger, enfin envoyer de l'info et en télécharger en permanence. On ne sait même plus ce que fait son téléphone. On est tout le temps connecté et vous pouvez, sur votre téléphone, parfois, si vous voulez, décocher une case bien spécifique pour arrêter d'envoyer autant de data. Vous faites du mal à votre batterie. Mais un téléphone, comme une montre, c'est comme. Il s'agit tout de même de notre nouvel ordinateur. Un ordinateur portable, vous pouvez l'utiliser sans brancher sur le secteur pendant 1 heure à 3 heures. Un téléphone, se décharge vite également. Des problèmes de batterie, mais oui, on n'a pas encore résolu le problème. Mais chaque année, on a des nouveaux téléphones qui prennent beaucoup plus sur la batterie. Donc on fait évoluer la batterie, mais pas seulement. Et la batterie est toujours beaucoup plus importante. Vous vous rendez compte, si vous pouviez brancher une batterie de 2007 du premier iPhone sur votre iPhone de 2018. Il y aura un gros souci, quoi. Donc on est sur une évolution de la tech et aussi de la batterie. La batterie, peut-être prochainement, va pouvoir se recharger beaucoup plus vite. Il n'est pas simplement question de la batterie en elle-même, du temps qu'elle peut vous consacrer, c'est-à-dire peut-être 1 heure, 2 heures, même beaucoup plus, 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais du temps de recharge, par induction par exemple, avec une recharge dans une pièce totale, où vous posez votre téléphone, il est rechargé. Et puis s'il se recharge en 5 minutes, tout va bien. Parce que vous pouvez l'utiliser, et puis quand il... On peut penser à ça. Vous avez ces experts qui pensent à ça, une recharge en 5 minutes pour une utilisation sur 3, 4, 5 heures, et puis quand vous perdez, vous descendez en dessous de 10%, le téléphone se recharge, et puis vous n'aurez plus jamais de soucis de batterie, on s'en rapproche. Merci pour les tradis, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des cœurs normaux, je les appelle les cœurs traditionnels, en comparaison avec ces super cœurs. L'énergie de notre corps, comme source d'énergie, absolument. Donc ce matin, je vous parle du futur, et ce téléphone, cet écran, qui vous intéresse pour vous proposer tout type d'informations, des informations que vous allez continuer de consulter, non pas à partir de votre écran qui est votre écran que vous avez sur votre téléphone, mais un écran global, une vision différente de la réalité, une réalité augmentée, une surcouche qui va se positionner sur vos yeux grâce à vos lunettes. On peut voir à travers tes lunettes s'il y a une caméra dessus. Là, pour les lunettes connectées de chez Intel, elles sont très discrètes. Ça dépend de quelles lunettes tu parles. Très discrètes, et ces prochaines lunettes connectées, et puis toutes ces prochaines lunettes, oui, vont être assez discrètes. On ne va pas forcément avoir des lunettes de soleil comme celles de Snapchat. Vous savez, les Google Glass, quand elles sont sorties, étaient assez discrètes. On en a beaucoup parlé puisqu'il s'agissait des premières. Le grand public parle de flop alors qu'elles n'ont pas été commercialisées, simplement testées par certains, et qu'elles sont toujours en développement et utilisées par des professionnels. Vous avez Snapchat, Snap, la boîte, Snapchat les lunettes, Snapchat Glasses, donc ils vous sont proposés en mode lunettes de soleil, très voyantes. Très voyantes. C'est fait exprès. C'est pour se différencier de ces lunettes de chez Google, avec ces personnes qui l'ont testé, qui se sont fait souvent tabasser dans la rue. Enfin, pour une déjà. C'est-à-dire, le grand public, pour lui, c'était pas possible. Se faire filmer par quelqu'un comme ça, se faire enregistrer, pas possible. Donc, ces lunettes de chez Snapchat proposent deux capteurs. Un capteur qui filme, une caméra, et un autre qui montre que vous filmez. En même temps, ça sert à rien, puisque le grand public ne comprend rien. Le grand public n'a même jamais compris qu'on pouvait donc sortir avec ces lunettes pour enregistrer. Ça fait partie du futur, ça n'existe pas, c'est dans le futur. Vous pouvez, dans 10 ans, on aura des puces dans le cerveau, peut-être bien. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook, n'hésitez pas, vous êtes en face du premier podcast live conversationnel avec le premier super diffuseur français, Sacré Vénard, chaque matin, 7h-8h. Dans 10 ans, on aura des puces dans le cerveau, elles ne vont pas se retrouver comme ça dans votre cerveau. Hein. C'est comme si tu me disais, on aura des puces dans la main. Certains ont déjà des puces dans la main, la puce RFID. Ces puces ne se sont pas retrouvées comme ça entre leur pouce et leur index. Hein. Ils ont bien voulu donc se faire intégrer une puce. Alors pour ceux qui voudront une puce, pourquoi pas? Pour ceux qui aiment bien le piercing, on est toujours dans des angoisses. Ils vont me mettre une puce, ils vont me mettre une puce. Je vais m'endormir le lendemain matin, j'aurai une puce sans le savoir. C'est vous qui choisissez, quoi. Vous voulez une puce, vous voulez une puce. Hein. Fait penser à ce qui est testé en Suède, avec leur TGV à eux, et ces personnes qui ont souhaité se faire pucer pour payer sans contact, sans billet. Votre portefeuille pourrait rapidement, comme pour certaines personnes dans le monde, se retrouver entre votre pouce et votre index, pour passer les portiques, pour ouvrir des portes à distance, pour déverrouiller votre poste de travail, pour prendre les transports en commun, pour passer donc dans des stades, pour payer. Je vous propose quelques exemples de ces puces RFID dans le monde. Aux quatre coins du monde, vous avez des personnes qui se pucent, qui ont envie. Vous n'êtes pas obligé, c'est encore plus puissant. Ne pensez pas être obligé de faire quelque chose, ce n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le penser. On ne nous oblige pas à utiliser ces téléphones. Tu penses à des neurologues qui font des recherches pour contrôler l'être humain? Pas besoin de chercher à contrôler l'être humain. L'être humain aime bien se faire contrôler, il n'y a pas de souci. Il ne s'agit pas de voir le futur comme quelque chose de très angoissant. Vous avez des humains qui aiment bien se faire contrôler. Et pas mal de personnes qui aiment bien, qui se font contrôler. Donc il n'y a pas. On peut toujours se poser cette question du piratage, oui, en ce qui concerne ces nouveaux devices, ces casques, ces appareils qui vont nous permettre rapidement de communiquer sans peut-être parler. C'est un autre sujet. J'évoquerai le sujet de la pensée et de la communication homme-machine avec des tests qui sont faits chez Bilt 8, chez Facebook en ce moment, pour nous proposer peut-être bientôt ce premier casque qui va servir à communiquer entre l'homme et la machine par la pensée. Tu es manipulé par le gouvernement. Jeune, tu penses être manipulé par ton gouvernement et tu ne penses pas être manipulé par Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM. Il ne s'agit pas là d'un sujet qui concerne la tech et le gouvernement. Il s'agit donc de la tech qui nous provient de la Silicon Valley. Il ne s'agit pas de ton gouvernement. Le piratage vient de l'intérieur. Bonjour vous tous, les lunettes, c'est ce matin, mais les lunettes, le smartphone qui va bientôt quitter, nous quitter. On va être tout seul, sans téléphone. On vivait très bien sans téléphone, on ne va pas retourner à l'âge de pierre, on va continuer avec ces nouveaux écrans. Ces écrans que vous retrouvez déjà sous différentes formes, actuellement, avec des lunettes connectées qui sont utilisées, avec une réalité augmentée, déjà disponible. Vous pouvez penser, par exemple, à ces deux grands du secteur, Microsoft avec sa technologie HoloLens et Magic Leap. Avec ces nouvelles lunettes super design. Magic Leap, c'est magique, MAGIC LEAP. Et puis HoloLens de Microsoft. Donc vous avez de la réalité augmentée, celle qui vous sera sans doute proposée avec ces lunettes, dans un premier temps. Vous pensez à une réalité augmentée qui va s'inscrire avec ces lunettes. Je vous ai parlé des lunettes de chez Intel, les Vaunt, qui ne sont pas sorties pour l'instant. De toute façon, les lunettes de chez Google, les Google Glass, ne sortent pas non plus. Cette technologie évolue pourtant, elle sera peut-être en votre possession dans le futur. Vous avez souvent une technologie qui est utilisée par des professionnels et par ces professionnels qui travaillent souvent dans le domaine de la santé. Et puis souvent des technologies dans les mains de ceux qui en ont besoin le plus, ces personnes handicapées et ces personnes qui deviennent un petit peu déficientes, âgées, un peu plus âgées, qui en ont besoin. Tu peux le dire, peut-être, tout le monde avec des lunettes. À la grande question, c'est ça. Est-ce que on va avoir beaucoup de personnes, de toute façon, on est de plus en plus avec des lunettes, on use beaucoup plus nos yeux, et puis quand nous vieillissons, nous avons très souvent des lunettes. Ouais. Tout le monde n'a pas des lunettes. Mais on entre de plein pied, et depuis quelque temps déjà, des années, enfin quelques mois plutôt, dans ce monde des objets connectés. Et il est évident que se poser la question, tout le monde avec des lunettes, ça paraît aussi étrange que la fin du téléphone. Mais ça paraît aussi très logique, puisque nous allons beaucoup plus apprécier donc avoir des lunettes sur le nez. Je pense, c'est plus pratique. On est toujours dans une facilité déconcertante. On aime ça, la facilité. On préfère donc la facilité. C'est plus facile d'avoir des lunettes. Commencez avec des lunettes de soleil. Snapchat nous propose donc ses premières lunettes de soleil. Ce n'est pas pour rien. C'est pour. Ils ont très bien compris que le grand public allait commencer à apprécier au départ des lunettes de soleil. La robotique va bouleverser le 21e siècle. On y est, oui, dans le 21e. Et la robotique bouleverse depuis un certain temps. Oui. Quand on parle de robotique, on parle de robots, on parle d'intelligence artificielle, on parle de reconnaissance faciale, on parle de réalité augmentée, on parle de réalité virtuelle, on parle de la tech dans la main des Chinois, numéro 1 dans quelques mois. Vous qui passez, je vous remercie, je vais tout vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous lis et je vous refais un topo. Donc nous interagissons en moyenne entre 500 et 300 fois par jour avec notre téléphone. Nous le touchons quotidiennement plus de 2600 fois. On parle d'une addiction au téléphone. On parle d'un fléau qui touche en 2018 surtout les adolescents. On parle d'une addiction aux écrans qui va évoluer. On parle de Ian Pearson, futurologue anglais spécialisé dans les nouvelles technologies. Selon lui, le smartphone va vivre ses derniers moments, enfin ses dernières années. Ses 10 dernières années. 10 ans, pas plus. Aujourd'hui, les gens se moquent de vous si vous n'avez qu'un simple téléphone et pas un smartphone. Mais dans 10 ans, vous serez sans doute ridicule si vous possédez un smartphone. Et selon donc ce monsieur, Ian Pearson, votre téléphone, qui est absolument indispensable, sera remplacé par votre rétine, avec une projection d'un écran directement sur votre rétine. Il s'agit de voir ce qui se passe avec cette réalité augmentée utilisée par Microsoft HoloLens et Magic Leap, ces lunettes déjà, et puis ce que Intel a testé. Donc ils ont un prototype avec une démo que vous pouvez retrouver. Vous pouvez même taper Vaunt, Vaunt, un laser directement sur la rétine. Cette innovation annonce pour lui la fin des écrans. Donc on a un dispositif de projection via un laser sur l'œil chez Intel. La fin des écrans. Mais bon, chez Intel, il proposait dans une démo donc, de vous placer des lunettes sur le nez, de bien vous les disposer pour vous projeter sur la rétine ce laser pour que vous puissiez récupérer des notifications. Ça commence par des notifications pour savoir un petit peu ce qui se passe sans sortir son téléphone de sa poche. C'est ce que l'on retrouve sur les lunettes, sur les montres connectées. Et donc les lunettes de chez Intel, ça faisait vraiment très, très peur. Le Apple a plus de chiffres. 2020, les prochaines lunettes connectées avec une réalité augmentée de chez Apple vont nous proposer du très lourd. Bonjour Life, vous qui passez, n'hésitez pas à me placer vos commentaires, je vous garde encore quelques minutes. On parle de lunettes, on parle de laser, on parle de réalité augmentée, de la fin des téléphones, des smartphones. On est trop habitué, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, on a la tête dans le guidon, Hello Cat Cinema, on a l'impression que tout ce que nous utilisons. Nous allons toujours l'utiliser, on a l'impression que ça change jamais, qu'on ne va pas. En même temps, on a l'impression que ça ne va pas assez vite pour nous-mêmes, peut-être pour nos projets, et en même temps, en ce qui concerne la tech, ça va tellement vite. Mais on a toujours cette réflexion que cela ne va pas assez vite, puisqu'on a toujours des téléphones, et on se dit, mais voilà, la batterie, ça n'évolue pas, les téléphones, ça n'évolue plus, c'est toujours pareil, ça ne changera jamais. Mais vous ne comprenez pas que tout va changer à une vitesse pas possible, et que tout change très très vite. On est donc trahi par notre cerveau. On a l'impression donc qu'on est statique, qu'on ne bouge plus, qu'on est figé dans le temps, alors qu'on est parti sur une pente descendante. Ça va tellement vite, on est sur un toboggan, on n'a même pas le temps de tester, que tout est mis en prod et que tout va nous quitter. Bonjour Katsinam, ça va bien? Oui, tout change très vite, mais l'être humain, le grand public, a l'impression, ah oui, encore un nouveau téléphone, c'est la même chose, il nous propose l'iPhone 10S, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais vous vous rendez pas compte ou quoi? Vous parlez comme des geeks parfois. Le grand public ne teste pas forcément l'iPhone 10S, n'a pas forcément utilisé l'iPhone 10, ne comprend pas qu'on peut déjà déverrouiller son téléphone. Vous vous rendez compte? La police américaine n'a pas le droit de regarder les iPhone 10. Ça m'a rendu dingue cette histoire. La police américaine, on lui dit, on lui donne, on lui a interdit de regarder les iPhone 10. C'est du délire. Et pourquoi on interdit à la police américaine de regarder les iPhone 10? Parce que s'il regarde l'iPhone 10, eh bien l'iPhone, donc c'est une consigne, une interdiction, parce que à la police, si jamais ils sont en face d'un suspect et qu'ils veulent récupérer leur téléphone, son téléphone, eh bien s'ils regardent ce téléphone, c'est comme s'ils essayaient de déverrouiller le téléphone. Et donc, il y a cinq tentatives de déverrouillage, et au bout de cinq tentatives, le téléphone, il est bloqué. Ils veulent garder toutes les tentatives. Donc, il est interdit à la police américaine de regarder les iPhones. Alors déjà, à savoir comment vous reconnaissez de loin un iPhone, sans trop vous rapprocher. Puisque tous les téléphones chinois, enfin une grande partie des téléphones chinois, copient l'iPhone, avec l'encoche et tout le bazar. Le Pixel 3, même le Wiko, il ressemble à l'iPhone 10. Enfin, comme une pièce d'identité. On est sur la reconnaissance faciale. On est avec des téléphones, des iPhone 10, qui se déverrouillent à l'aide de cette reconnaissance faciale. Donc, quand tu testes à déverrouiller, quand tu veux déverrouiller un téléphone, l'ancienne mode, c'est de faire un code. Chez Apple, c'est aussi de pouvoir le déverrouiller avec son doigt. Maintenant, c'est le visage. Et en Chine, avec l'arrivée des iPhone 10, en 2017, ils ont proposé à la vente des cagoules. parce que les Chinois ont sauté sur l'occasion pour proposer une cagoule à porter, puisque on pouvait penser qu'en dormant, on peut toujours penser que quelqu'un pourrait vous soulever l'œil quand vous dormez pour déverrouiller votre téléphone à votre place. La cagoule. Je ne sais pas si vous avez acheté un iPhone 10, mais vous avez en vente en Chine, certainement disponible en ligne sur Internet. Eh bien, la cagoule. Alors, avec l'achat d'un téléphone, iPhone peut-être la cagoule offerte. Je plaisante, on est sur la fin des téléphones, pas sur la fin du délire. En tout cas, vous me retrouvez chaque jour, 7h-8h, pour nouvelles aventures. C'est le premier podcast live. Chaque matin, 7h-8h, avec le premier super diffuseur français sur Periscope et Twitter live. Les moyens de paiement par smartphone, c'est moyen pas assez sécurisé. Life, pour le Face ID, on est sur une multiplication par 20 de la sécurité chez Apple. Donc, c'est toujours de plus en plus sûr. C'est un peu comme le problème de batterie, hein. Vous pensez que on n'avance pas que la batterie. Salut, salut. On avance aussi avec la sécurité des paiements. Alors, si ce n'est pas encore ça pour vous, ne testez pas le paiement par reconnaissance faciale. C'est vrai qu'il faut faire confiance. On nous demande de faire confiance, on est obligé de faire confiance. C'est au niveau vol, en fait, de smartphone. Il arrive déjà à tout caser dans une lentille. Au niveau des brevets déposés, déjà, peut-être, mais est-ce qu'ils y sont arrivés? Est-ce que le prototype existe déjà? Vous qui passez, finalement, podcast du matin, 7h-8h. Premier super diffuseur français, Periscope Twitter, chaque matin, du lundi au vendredi, vous me retrouvez. Votre téléphone, bientôt, c'est fini. Vous en changez tous les 2 ans, bien sûr. Alors, peut-être que on pourrait penser que d'ici 10 ans, vous allez changer 5 fois de téléphone. C'est pas énorme, hein. Il vous reste 5 téléphones différents avant la lentille, hein. Avant les lunettes, plutôt. Les lunettes. Ou avant. Les lunettes avant. Les lunettes maintenant. Connectées sans réalité augmentée. Merci Life. Et puis, lunettes connectées avec une réalité augmentée chez Apple d'ici 2020. Non, même pas 2 ans. T'es pas sûr de vouloir projeter des trucs dans ta rétine? Votre téléphone, c'est mort? Pas encore, pas encore. Le téléphone, c'est bientôt fini. Le téléphone, c'est bientôt fini, mais pas tout de suite. On va encore attendre. Et puis, on va pas forcément attendre très longtemps puisque ça se rapproche à une vitesse. Je vous remercie, on a parlé de la fin du téléphone, donc projection de l'écran directement dans la rétine, peut-être avec un laser, peut-être avec des lunettes. Regardez un petit peu ce qui se passe pour finir chez Microsoft avec HoloLens et avec Magic Leap. C'est absolument énorme. J'ai testé les lunettes de chez Microsoft HoloLens à VivaTech. Je peux vous le dire, c'est encore le début. On a une vision limitée, mais c'est énorme, avec une proposition d'éléments virtuels face à vous. Et vous ne quittez pas votre monde, c'est la réalité augmentée. Les selfies, tu te mets devant un miroir. Le miroir, c'est ton téléphone. Tu te regardes ou pas? À coût de 900 euros. Les téléphones, fais penser au Pixel 3 qui va sortir, qui est sorti au prix de 859 euros, comme l'iPhone XR qui sort le 26 octobre prochain, pour le même prix. Je vous remercie, merci pour les tradis, merci pour les supers. On se retrouve, là on va se retrouver à 9h pour un YouTube live. Sinon, tout à l'heure, 17h30 pour un Periscope Twitter. Et demain matin pour également un nouveau podcast, 7h-8h. Vous trouvez mon Twitter ici même. Twitter.com/RaisinBoraps. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous allez recevoir des notifs, des infos régulières, des lives importants, vos commentaires qui sont souvent là également. Votre mot, votre dernier mot, vous avez tout dit. Merci vous tous. À tout de suite, YouTube live 9h. Sinon tout à l'heure. Puis demain matin, 7h-8h. Bonne journée, merci. Le YouTube, 9h. Donc, les téléphones, ce n'est pas encore fini, mais on a encore un petit peu de temps. Après, on est parfois assez intéressé par ces nouveaux objets. On est dans le monde des objets connectés. Et puis, avec ces lunettes, on pourra également, bien entendu, de plus en plus, communiquer avec son assistant virtuel. J'en ai pas parlé, mais évidemment, en connexion directe avec son assistant. Voici mon Snapchat. Évidemment, un écran virtuel qui se trouve devant vos yeux, une réalité augmentée et évidemment une connexion avec son assistant. Puisqu'on peut interagir avec son doigt pour l'instant. On va pouvoir de plus en plus communiquer avec son assistant. Instagram, voici mon compte. Have a nice day too. See you soon. YouTube live, 9 a.m. YouTube live à 9 h, d'ici quarantaine de minutes. Au taquet. Voilà pour. Et vous avez le PayPal. Si vous me soutenez, c'est aussi par PayPal, le paypal.me/newstech. Newstech. Mister France, see you. Mister France, donc ça concernait les téléphones qui disparaissent. Avec des écrans qui de plus en plus s'affichent devant nos yeux. Grâce à ces lunettes, par exemple, en réalité augmentée. Eh oui. Allez, le replay est disponible dans quelques secondes. Merci vous tous. Ciao, ciao.